Bienvenue en 2030 Glorieuse, le podcast pour raconter les mondes de demain. Alors, je vois des gens et je vois du temps pour voir ces gens. Vraiment, je pense que c'est marrant parce que je suis allée au mariage d'un ami récemment sur une petite île, Edic, qui est une île au large de la Bretagne, où il y a 80 habitants à l'année, mais on était 200 invités au mariage. Donc, on a vraiment genre... Ouais, tu parles de 2026 à l'époque, hein, c'est ça? Exactement, c'était en 2026. Et je me suis dit, on est restés tous une semaine, et donc concrètement ce qui se passait, c'est que on décorait pour le mariage, et en fait comme on était tous là, et qu'on n'avait pas grand chose d'autre à faire, parce qu'il n'y avait pas trop de réseau, il n'y avait pas de magasin, c'était une toute petite île, il n'y a pas de voiture, en fait on n'a fait que la cuisine, créer de l'art, chanter ensemble, se baigner, prier pour celles et ceux qui étaient religieux. Et puis surtout, on marchait et paf, on tombait sur quelqu'un et on se disait « Ah, tu fais quelque chose, non ? Tu veux boire un café ?» Il y avait des vieux, il y avait des enfants, les enfants étaient libres parce que comme on était sur cette petite île, il n'y avait pas de danger, il y avait des chiens partout. Les enfants passaient de bras en bras. Et je me rappelle m'être dit à l'époque « Mais je veux vivre comme ça. » Je veux vivre comme ça. C'est ça la communauté bien-aimée. Vous venez d'écouter un extrait de l'interview de la semaine précédente. Si cet extrait vous a plu, je vous invite à retourner sur votre application de podcast ou le site internet sur lequel vous êtes passé, notamment Imago TV, pour pouvoir écouter votre épisode en entier. Et puis si cet extrait vous a plu, je vous invite à réagir directement sur les réseaux sociaux des 2030 Glorieuses, que ce soit Instagram ou LinkedIn, pour raconter ce qui vous a plu dans cet extrait et livrer à votre tour une vision enthousiasmante des 2030 Glorieuses. Je vous dis, moi, à bientôt pour un nouvel épisode et puis à bientôt avec toute notre communauté utopiste qui vous attend. Toutes les informations sont sur 2030glorieuses.org. Salut !